CPU 64. Oh, c'est beaucoup là pour un son. Attends. La dernière fois, j'avais sauvegardé et c'est pas bien. On a 75. Ah oui. Ah oui, alors il faut que je fasse quoi? Je me rappelle plus la batterie en plus. Faut que je la mette à 150. C'est un petit peu chiant à caler. 150, ouais. Et après, il faut que je trouve la batterie. Je sais quoi que j'avais mis comme truc là. Ah, il est en train de charger encore. Si j'irais à New York avec toi, toute la nuit décollée. Ça y est, ça a chargé. Ça y est, baisse un petit peu la grade, d'accord. Faut que je mette. C'est dur à caler, hein. Attends, je vais le accélérer après. Non, je suis pas calé. Voilà, c'est pas calé là. C'est pas calé là. Non, c'est pas calé comme ça. C'est dur à caler. Attends, faut d'abord que je me mette à 75 pour le caler. Je mets à 150. Oh putain, c'est dur à caler ce truc. Ah, je sais pourquoi, il y a peut-être ça qui fait quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas calé, hein. morceau qu'on en faisait en 52 que ça passait pas. Ça montait un peu quand même, non? We'll be right back. Attends, c'est pas la batterie. La batterie, non, pas la batterie. Okay. Allez, vous les montrer ces cadeaux, enfin, les soldes. Au téléphone avec des femmes de téléphone, je sais pas si on m'entend bien. 1, 2, 3, 4. Je rêvais un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde. Batterie. Hein? Je pars à combien ma batterie? Thank you. Okay. pas ça? Dans l'ambulance, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux. C'est pas ça? Moi je joue comme ça. Batterie est pas calée. jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps pour se parler d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc. Ah merde! Elle a vu son cheveu blanc, elle a emmené ses enfants, elle commence à voir. Ah, c'est bizarre, j'ai raté un truc là. C'est bon, c'est bon. Attends, je suis perdu là. Trois fois le début. Et normalement, moi je suis perdu avec le chant quoi. Avec le chant, je suis perdu. Ça passe. Attends, hein. Putain, j'ai mal à la gorge. Attends, j'essaye. Attends, on va faire un peu à 64, c'est ça? Test. commencerait plus à avoir de voix là. Faudrait une bière. Enfin, ça en est un autre, là, c'était celui-là tout à l'heure, c'était. toute façon, on le pas porté. Attendez. C'est celui-là qui est bien. C'est One Maze, ça s'appelle. Ça fait un son bizarre ce celui-là. Un stéréo. Je suis en train de lire le code. Ça c'est stéréo 80 Monster. On va voir celui-là. We'll be right back. 1, 2, 3, 4. J'arrive pas à chanter et faire le truc. Prochain débat.